Angelo, en direct de l'Inox Electronic Festival, en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. Steve Angelo vous lâche 2 heures de mix sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. Fun Radio. En plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est Steve Angelo au platine. Steve Angelo. Steve Angelo. Radio Fun, en direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse. Steve Angello. Steve Angello. Foulage, 2 heures de mix. Sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. Oh, en plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est Steve Angelo en platine. Steve Angelo. Radio. Oh. réunis pour 3 jours à Toulouse. Steve Angello, c'est l'Inox Electronic Festival. En direct sur Fun Radio. Angelo. En direct de l'Inox Electronic Festival, en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. grands DJ internationaux au platine. C'est l'Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. Jour à Toulouse, Steve Angelo, c'est l'Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. Thank you. I'm gonna go get some more.